Lorsque la fille paraît. Marc, dont la chambre est juste à côté, ouvre la porte à Faustine. Le garçon de 10 ans écarquille les yeux devant cette jeune femme qu'il ne connaît pas, dont on vient tout juste de lui parler, et qui se tient devant lui les bras chargés de cadeaux. « Bonjour, Marc. Je peux entrer? Papa est là ?»« Bonjour, Fabienne, » lance la jeune fille à sa sœur, qui s'approche avec curiosité. « Je suis contente de faire enfin votre connaissance. Papa vous a parlé de moi, non ?»« Oui, oui, » répond-il en chœur en la faisant entrer. Poignée de main, accolade maladroite, les enfants accompagnent Faustine au salon vers leur père, qui fume sa pipe en lisant son journal. Rolf salue sa fille comme s'il l'avait quittée la veille et la confie au cadet pour la visite des lieux. Ça lui permettra de finir son journal tranquille. Lui prenant la main, Fabienne et Marc emmènent Faustine visiter leurs domaines respectifs. Chacun d'eux possède une télévision dans sa chambre et a le droit de regarder les programmes qu'il veut aussi tard qu'il le souhaite. Toute la nuit, si telle est son bon plaisir. Mais, rigote-t-il, cela n'arrive jamais parce que nous sommes raisonnables. Maman a confiance en nous. Voilà une façon d'éduquer les mômes qui impressionne une Faustine qui a du mal à ne pas ressentir une légère pointe d'envie. Après la visite guidée, tout le monde s'installe autour de la table basse, sur laquelle Pierrette a posé un immense plateau garni de canapés et de petits fours qu'elle est passée prendre à la Migros. Mais d'abord, on ouvre les cadeaux. Faustine a fait fort. S'étant renseignée sur les goûts de son demi-frère, elle a acheté une superbe Ferrari Daytona bleue avec une remorque surmontée d'une voiture de course. Pour Fabienne, c'est la Barbie, mariée, avec robe chantilly et tous les accessoires ad hoc. Plus cool, tu meurs. Pendant le repas, ce sont les enfants qui s'expriment. Fabienne détaille ses progrès en danse et ses espoirs de devenir danseuse étoile. Ça lui passera. Marc, on le sait déjà, c'est le foot. L'équipe, les copains, les meilleurs goals et son rêve d'être sélectionné un jour pour jouer en professionnel. Sautant du coq à l'âne, il raconte à tour de rôle dans la foulée l'expérience familiale dans la restauration. Rolf et Pierrette ont ouvert un restaurant en France voisine. Ils espéraient bien gagner leur vie avec. Ils avaient aussi pris des lapins, des poules, ouvert un jardin potager, inscrit les enfants à l'école du village. Malheureusement, l'affaire n'était pas viable. Ils ont gardé le resto. Le temps que Rolf ouvre son business de déménagement à Bâle, ne cuisinant plus que les week-ends pour les touristes de passage. Au bout du compte, Rolf a eu tellement de travail qu'ils ont préféré fermer le bistrot. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Si tu veux, on te fera visiter et on ira manger des escargots ensuite. Il se fait tard. Marc et Fabienne se retirent dans leur chambre. Il y a école demain. Après leur avoir souhaité la bonne nuit, Faustine aide Pierrette à débarrasser le salon. Profitant qu'elle soit seule à la cuisine, Pierrette confie à sa belle-fille que tout n'a pas toujours été rose avec son père. Longtemps il a fallu qu'elle se cramponne, tant sa place d'épouse était convoitée. Elle raconte, un éclair de malice dans le regard, qu'elle est allée jusqu'à inviter d'éventuels rivales à partager un repas avec eux, histoire de leur montrer sa magnifique famille et ce qu'elles allaient détruire. Pas bête, a pensé Faustine, mémorisant l'astuce pour future référence. Sur le chemin du retour, son père lui explique que lui-même et Pierrette, dont on se souviendra que la mère a été assassinée sous ses yeux pendant la guerre, ne voulaient pas d'enfants quand ils se sont mariés. Lorsqu'elle s'est trouvée enceinte de Fabienne, il a respecté la décision de sa femme d'avorter, tout comme il a accepté qu'elle change d'avis 2 heures avant l'opération. Évidemment, la question ne s'est pas posée pour Marc 2 ans plus tard. Faustine, dont le cœur a eu à louper à l'idée de ce qui aurait pu se passer, applaudit mentalement le dénouement. Elle se promet d'assumer son rôle de grande sœur auprès de Fabienne et Marc. Dès le mercredi suivant, profitant de l'absence de René, elle vient chercher sa frangine pour une balade, pendant que Marc est au foot. En l'écoutant parler, elle est confondue par l'intelligence de la petite, son ouverture d'esprit et son sens pratique. Faustine commence par l'inviter chez elle à Biersfelden. Fabienne visite le logis avec intérêt, puis tombe en arrêt devant le porte-monnaie de service qui trône sur la table. La gamine est fascinée par toute cette monnaie. Faustine lui propose d'en compter le contenu. Fabienne s'en acquitte avec un sérieux impressionnant. Ensuite, Faustine prélève quelques billets et les deux complices s'en vont visiter les boutiques. Elle déniche pour Fabienne le futur mari de sa Barbie et pour Marc un ballon de foot pro. En fin de semaine, René rentre du Tessin. Il a terminé son chantier. Il est épuisé, mais heureux. Son compte en banque va retrouver une nouvelle jeunesse. Il va pouvoir gâter sa chérie. Les deux amoureux font la nouba deux ou trois soirs de suite, puis Faustine décide de présenter René à son père. Malheureusement, Rolf n'apprécie pas du tout l'amant de sa fille. Tel qu'elle le lui a décrit, il ne s'attendait pas à tomber sur un type plus âgé que lui. Vieux loupard sur le retour aux allures de macro. Il est hélas trop tard pour annuler l'invitation au match Bayern Munich contre le FC Basel, dont il vient de leur faire la surprise. Mais il montre à son gendre, sitôt que Faustine est partie se repoudrer, qu'il n'est pas le bienvenu et qu'il ne souhaite plus le revoir après cette soirée. Faustine ne connaît rien au foot, qu'elle n'est pas sûre d'aimer. Pour ses parents, c'est un sport de beauf. Mais après tout, pourquoi pas? Elle appréciera son père dans un autre environnement. Après un excellent repas familial, Pierrette, qui déteste le football, reste auprès des plus jeunes pendant que le trio se rend au stade. C'est la première fois de sa vie que Faustine assiste à une manifestation de cette ampleur. Elle est fascinée par cette masse mouvante. Percevant intuitivement le potentiel de violence qui s'en dégage, elle ne verra à mort l'arbitre que des années plus tard. Elle n'est pas rassurée, malgré la présence protectrice des deux hommes. Après les distractions d'usage, précédant le coup d'envoi, majorettes, fanfares et hymnes nationaux, le match se déroule, ponctué des manifestations bruyantes de joie ou de déception. Là encore, Faustine est impressionnée par la puissance émanant de la foule. Pendant la mi-temps, ils se partagent une plaque de chocolat. Il fait très froid en milieu de soirée. Faustine accueille ses quelques calories avec plaisir. Ce soir, le FC Bâle, l'emportant par 2-0, c'est une foule en liesse qui déballe les gradins pour rejoindre la sortie.